Chapitre 24e. Qu'allez-vous faire à présent, mes deux nababs ? Dit M. Roussoff aux jeunes gens quand ils vinrent lui rendre visite 2 jours après le concert. J'ai une idée, fit Damian avec hésitation en regardant son frère du coin de l'œil. Victor aussi. Deux idées ? Non, la même. Si nous restons à Moscou, nous allons manger tout notre argent. M. Roussoff fit signe qu'il n'en doutait pas. Alors nous avons pensé à faire comme les autres artistes, une petite tournée en province. Il me semble qu'un premier prix du conservatoire a des chances de gagner un peu d'argent partout. Quand cela ne ferait que de nous défrayer, ce serait déjà bien suffisant. Et puis cela nous ferait voir du pays. Appuya Victor de l'air convaincu qu'il prenait toutes les fois qu'il exprimait les idées de son frère. Il était moins hardi pour énoncer les siennes. Sagement raisonné. Et sans indiscrétion, de quel côté vous dirigez-vous ? Damian rougit. Il n'avait pas encore étudié la diplomatie. On prétend, dit-il, que le long du Volga, il se rencontre beaucoup de villes où la musique est en grand honneur. J'ai envie de commencer par Yaroslav. Soit, et jusqu'où irez-vous ? Tant que la terre voudra bien nous porter, dit joyeusement Victor. Allons, c'est très bien. L'œil scrutateur de M. Roussoff gênait Damian. Il lui semblait que son protecteur devait connaître le motif de sa préférence pour le Volga. Le fleuve n'était-il pas la route naturelle du Caucase ? N'était-il pas permis d'espérer que d'escale en escale, il arriverait à Bakou et de là à Piatigorsk, sans que personne pût se douter du motif qui le poussait vers les montagnes ? À un moment, notre ami crut bien que M. Roussoff avait deviné, car il sourit en lui disant « Vous partez seul ?» « Nous deux, » répondit Victor ébahi. « J'entends. Et qui est-ce qui accompagnera Damian au piano ?»« À la grâce de Dieu, » répondit Damian, soulagé d'un grand poing en voyant que son machiavélisme n'était pas éventé. « On trouve des accompagnateurs partout. »« Des mauvais et des bons, » dit M. Roussoff. « Vous n'emmenez personne ? Pas de chanteuse habile ? Pas de pianiste consommé ? Ordinairement, les artistes vont par troupe. »« Nous n'avons pas d'amis. » fit Damian avec insouciance. « Nous sommes des bohémiens, libres sous le ciel, sans entrave et sans devoir envers d'autres que nous-mêmes. Et vous » ajouta-t-il en saluant M. Roussoff. « Avant de partir, monsieur, je vous ai rapporté les 50 roubles qui nous ont permis, il y a 3 ans, de venir à Moscou et d'arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est à vous à qui je devrai ma fortune. Je m'en souviendrai, M. Roussoff, et je ne serai jamais quitte envers vous. » Il posa le billet de banque sur la table avec un léger tremblement dont il n'était pas maître, et son regard chercha celui du brave homme. « Tu tiens à me rendre cet argent ? Tu ne veux pas de bienfaiteur ? » dit celui-ci en souriant. « Ce n'est pas cela, monsieur. La reconnaissance m'est douce, mais je vous avais dit que je vous le rendrais, et ma parole vaut ma signature. » « Tu m'avais dit cela aussi, mon ami, je m'en souviens. C'est bien, tu es un honnête garçon. Et ton argent, tu l'emportes ? Il va me rester 1000 roubles que je voudrais vous prier de garder, monsieur. Je crains de ne pas m'arrêter à temps si je les emporte, et je voudrais les retrouver à mon retour. Je ne manque pas mieux que d'être ton banquier, ici ou à Gradovka. Tu me trouveras toujours prêt à toute réquisition. » Les deux frères prirent congé de leur ami. Quand ils l'eurent quitté, M. Roussoff leva son doigt dans la direction de la porte. Chevalier, mais homme d'affaires. Il y a en toi, mon ami Damian, un mélange curieux d'hidalgo et de teneur de livre. Lequel l'emportera ? Y aura-t-il lutte ? Ou bien les deux éléments te conduiront-ils tout doucement au tombeau sans te quitter ? Il court après un jupon, c'est écrit sur sa figure. Je voudrais savoir s'il finira par l'attraper. En effet, Damian avait beaucoup couru, non pas après un seul jupon, mais après la masse empesée et garnie de dentelles, des jupons de la princesse enveloppés dans du papier de soie, et couchés de toute leur longueur dans des malles énormes, de ces malles que le chemin de fer de Trouville, mal appris, refusait d'accepter au bagage parce qu'elle ne pouvait pas rentrer dans les wagons. Il avait appris que ces heureux jupons s'en allaient tout doucettement par la voie d'eau, qui n'est pas pressée, rejoindre leur maîtresse à Astrakhan, de là à Bakou, de là à Tiflis et de Tiflis à Piatigorsk, où l'on peut arriver par la voie de terre, qui d'ailleurs n'est pas plus active. La princesse avait quitté Moscou le matin même du jour où Damian annonçait son projet à M. Roussoff. Accompagnée de son mari, dans une berline, de sa femme de chambre, d'une seconde femme de chambre, une troisième, spécialement attachée au service des jupons, les suivait dans leur navigation volgaine, de deux valets de pied, du premier valet de chambre du prince, du second valet de chambre, qui à vrai dire servait surtout le premier, de Pouf, le King Charles du prince, de Frisette, la levrette de la princesse, avec une femme pour leur service, le cuisinier avec ses deux aides, le majordome avec son secrétaire, chargé d'écrire les menus sur une carte unique de Bristol vert pâle destinée à la princesse, était parti par un autre convoi, et pour le reste de la domesticité, on espérait trouver là-bas ce qui ferait défaut. Drapé, non dans un manteau couleur de muraille, mais dans un joli paletot gris sable, ce qui était la mode pour le moment, Demian avait vu partir toutes les voitures. Il n'avait pas vu la princesse, ne sachant où la chercher dans cette babel d'équipage et de chevaux, mais elle l'avait fort bien vue, et s'était soigneusement gardée de le lui laisser deviner. Quand arrive l'automne, quand le moment est venu de dépouiller les vergers de peur que les pluies et les premières gelées ne corrompent les plus beaux fruits, les amateurs soigneux ne se reposent sur personne du devoir de trier les belles poires de leurs arbres favoris. Les unes sont bonnes tout de suite, d'autres le seront dans 8 jours, d'autres encore révéleront leur saveur vers le premier de l'an. Le connaisseur en trouve une, la plus belle de toutes, la flaire, la retourne et se dit « Celle-ci peut attendre. Elle ne fera que gagner à passer l'hiver sur la planche du fruitier. C'est à peine si en mars elle aura atteint le degré de maturité nécessaire pour donner toute sa saveur et tout son parfum. Après s'être assurée qu'il ne lui manquerait pas, certaine de le tenir par un fil solide, la princesse avait mis Demian sur la plus haute planche du fruitier. L'imprudent ne se doutait pas qu'en poursuivant sa fée, il courait risque de rompre les jolis réseaux de fil de la Vierge dont les fées aiment à s'entourer. La magicienne elle-même n'avait pas prévu un zèle si beau et surtout si voyageur. Heureusement, elle n'en savait rien. Et le mal qu'on ignore n'existe pas, au moins tant qu'on l'ignore. Demian, d'ailleurs, n'avait pas un but bien arrêté en se mettant ainsi à la recherche de la princesse. Il sentait vaguement un encouragement dans l'indication qu'elle lui avait donnée de Piatigorsk. Il se disait qu'elle n'eût pas désigné si clairement cette ville si elle n'avait pas pensé qu'il pourrait l'y rejoindre. Mais le Caucase était bien loin, et la saison des eaux bien courte. Qu'importait ? Demian était jeune, ambitieux, impatient. Il sera mieux n'importe où, qu'à Moscou, pour attendre ce que lui promettait le destin.